Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou, en cette semaine du 12 au 18 septembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, bonjour, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Bonjour, Mathieu Plante. Deuxième émission des Palmarès, c'est fou pour toi? Oui. Quand est-ce qu'on va arrêter de les compter? Je sais pas. Millième pour toi, au moins. Ah, ben ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans notre émission, on a pas mal de nouvelles entrées. J'en compte 4 du côté francophone et 5 du côté anglo. On va voir, entre autres, dans l'émission d'aujourd'hui, The Last Assassins, Ostra, The Pack AD, Friska Vilhor, The Jolts, Gatineau, Kid Sentiment et Renard Frac, mais on débute en 20e francophone. En 20e francophone avec les Breastfeeders et mes lunettes noires. Et reste avec nous parce que tout au long de l'émission, on a des chroniques des plus variées. On sait que Justine va être avec nous. Tu l'as confirmé, tu l'as croisé. Oui. Elle existe pour vrai. Elle existe pour vrai. C'est juste ça. Il était très chic aujourd'hui. Ah oui, pour vrai? Oui. Habillé glamour. Pas glamour chic, c'est chic propre, là, c'était classe. Beau. Oh, ouais, ah ouais, j'ai hâte de voir ça tantôt. Et je suis sûr que les auditeurs à la radio aussi ont très hâte de voir oui. ça. On va aussi avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine. Mais comme tu le disais, on commence en 20e franco. Voici les Breastfeeders et mes lunettes noires. Yeah.

Friska Vilhor avec Larry Onov en position numéro 19. C'est une nouvelle entrée. Et du côté... On n'a pas écouté le côté francophone? Oui, on l'a écouté avant. Oui, Renard c'est vrai. Frac, ben oui. C'était Renard Frac avec le Sal Wave. Tout à fait. Et maintenant, c'est vrai qu'elle est classe aujourd'hui. Elle a beaucoup de classe. Mais en fait, elle en a tout le temps, mais particulièrement cette semaine. Non, c'est Marie-Pierre qui disait ça de toi tantôt. C'est Justine. Et oui, c'est toute swell. Justine, non, je t'avais préparé l'autre que t'avais juste dans ta face, mais mettons celle-là. Ouais, non, mais c'est parce que l'autre, il était pas en état de choc un moment donné. Ben oui, mais la pancarte était enlevée, donc il est rendu correct. Non? Ah, il est revenu de son état de choc, c'est bon. C'est ça. Hey, c'est comme une machine Elka qui est défectueuse un jour, et le lendemain, la pancarte n'est plus là. Tu fais comme tu continues de pas l'utiliser parce que c'était marqué défectueuse il y a deux semaines, mettons. Non? Ah, fait non, ça m'est jamais arrivé, là. J'ai des histoires, par exemple, avec des machines distributrices que je pourrais vous compter un jour. Au moins une maintenant, ça serait... Ouais. Bon, il était une fois une fille qui s'appelle Justine. Pendant son cours, elle a eu une fringale de Coffee Crisp. Alors, elle s'en va à la machine distributrice du pavillon Ringuet au deuxième étage, juste à côté de la feu ancienne cafétéria, là, qui est qui en train est de se faire rénovation. Ouais. Et puis, donc, je mets de l'argent dedans, je pèse sur le piton. Ça tombe pas. Je dis, merde. Là, je recommence. Je dis, OK, on va lui donner une chance. Je peux bien investir deux fois le prix d'une barre pour... T'avais vraiment de rage. J'avais vraiment de rage. Je voulais vraiment ça. Mais là, je mets mon argent. Je paye ses pitons. Ça marche pas. Uh-oh. Ah ben, t'as l'air, ouais. Là, je dis, ben, d'abord, je vais aller me chercher un chocolat chaud au Coffee Crisp. Parce que oui, ah, c'est vrai. C'est vrai, il y avait du chocolat chaud au Coffee Crisp. Mmh. Fait que là, je m'en suis fait un. Puis j'ai dit en même temps à la madame que la machine ne fonctionnait pas. Puis elle a dit, ah, mais vous avez juste à prendre le nom de ma machine, venir me donner les informations, puis on va vous rembourser l'argent. Fait que c'est ça qu'elle a fait. J'ai été chercher le petit numéro de la machine qui est en haut. Puis après ça, elle m'a redonné mon argent. Puis là, je suis retournée pour en racheter. Puis j'ai checké dedans le truc. Puis il y avait deux barres de chocolat. Fait que j'avais deux barres de chocolat Coffee Crisp avec... Et l'argent. Et l'argent. Il était tombé à retardement. Ouais, c'est ça. J'ai l'argent du beurre, le beurre, la tranche fermière. De pain. La vache. C'est quoi dans l'expression? Est-ce que le gars, il faut tout dans le fond, là, à la fin? Je sais pas. Je suis partie avec le beurre. Avec le beurre, beurre et l'argent du beurre. Le beurre, l'argent du beurre, puis la fermière. Quelque chose genre. Ah ouais? Mais c'est drôle. En français, c'est le beurre et l'argent du beurre. En anglais, c'est have your cake and eat it too. C'est avoir ton gâteau puis le manger en plus. T'sais. Garder ton gâteau puis en plus le manger. Ben, c'est différent en anglais. T'sais. C'est bon. Ben, je comprends moins en anglais. Ben, moi aussi. Oh mon Dieu, est-ce que c'est les soundchecks de Radio-Radio? Je suis en train de capoter mes rêves. On les entend absolument pas à la radio, mais oui, c'est ça. Exactement. Si on baisse le fond, peut-être qu'on l'entendrait sûrement pas. En fait, si tu pointes ton micro vers l'extérieur. Ils ont cessé. On n'entend absolument rien. Mm-hmm. Ah, c'est... Dommage, hein? C'est bon. Et je vous laisse continuer en attendant de préparer mentalement mes tartines. OK, oui, parce que t'as une chronique. Il faut que je beurre mes tartines. Oui, oui. Ah, ben c'est le fun, ça. On a hâte d'entendre ça. On va entendre les positions numéro 18 pour l'instant. Deux autres nouvelles entrées. On va entendre tantôt The Pack ID avec Hunt You. Et tout de suite, Kid Sentiment avec Tu n'aimes pas me voir à la télé. Ah, ben une chance qu'on était à la radio. Hein? Je pense que j'ai dit la même affaire la semaine passée. Redondant, ce n'est pas le malin, c'est fou. Non, non, elle était pas là la semaine passée. T'as raison, c'est une belle entrée. C'est parti. 18. Nouvelle entrée. Yes, Haunt You de Pac 80 en position numéro 18 et c'est nouveau. Et juste avant, c'était Tu n'aimes pas me voir à l'atelier de Kid Sentiment. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Je sais pas pourquoi. Avant de passer aux prochaines nouvelles entrées, les 17e places, tantôt on entendra donc Ostra et Gatineau. Avant ça, Justine. Oui. Et là, pour sa chronique, comment on l'appelle cette semaine, un mot qui rime en in? Les tartines de Justine. J'aimais bien ça, les tartines. Là, je les ai préparées au Nutella. Est-ce que t'as envie les croûtes? Non. Mais c'est du pain blanc, par exemple. Ça se mange bien, les croûtes. Non, mais ça se voyons, Mathieu, les croûtes, c'est bon pour la santé. Je sais bien, mais il y a des gens qui aiment pas ça. C'est pas ma faute, là. Moi, j'invente rien, là. Ouais, c'est vrai, hein. Au départ, on pourrait sonder les auditeurs. Aimez-vous les croûtes? Non. On pourrait faire les croûtes de Justine. Là. Ça, c'était quoi? Ça rime pas. Ou non, ben, c'est ça. Ça sonne vraiment weird. Une chronique qui rime pas, c'est pas une chronique. Non, c'est ce qu'on dit. Une chronique qui rime pas, là, c'est bon pour la poubelle. On a dit, ça sonne problème de peau. Là. Oh, ouais. Hey, non, imagine, on pourrait faire ça, une chronique, c'est des problèmes de peau. Hein, ça serait dégueulasse. Hein? Non, parce qu'on avait fait une chronique de problèmes de peau avec les Justine. Les docteurs à la radio. C'est ça. Est-ce que tu as un problème cette semaine à nous partager? Problème de peau, là? Ou autre, ben, de cheveux. Je me suis pincée. Ça paraît, je le vois. Là. Le grain de beauté avec mes écouteurs. Mais comment tu as fait ça, là? Je sais pas. Mais je me suis pincée, là. Puis là, ma mère, elle a dit « Hein, ton grain de beauté, il est rendu avec des petits rouges dedans. » Est-ce qu'elle roule vraiment ses airs comme ça? Tu limites parce qu'elle roule ses airs pour vrai ou? Non, non, ma mère, elle roule pas ses airs. OK. Ben, pourquoi tu limites avec des roulements d'air? Ben, tout le monde a des roulements d'air quand je les imite. Il y a des gens qui utilisent des petites voix comme... Moi, c'est « ra, ra, ra ». Bon, on dirait un rappeur, hein? Rap, rap, rap, en tout cas. Ouais, prêt, bon. Prêt. Alors, je suis là cette semaine. On va partir de mes tartines, là. Oui, tes tartines. Oui, mes tartines. Bon, alors, la semaine passée, j'ai trébuché à nouveau sur mon ancien amour, Feu Pater Rose, qui est décédé le 21 juin dernier dans les bras du. Comment ça s'appelait dans la salle? Il me semble que c'était un nom vraiment cool. Le cabaret. Myland. Le cabaret du Myland. Myland, c'est ça, Myland. Myland. Oui. Myland. Moi, c'est eux qui disent. Ouais. Moi, je dis Myland. Ben, t'as raison. Fait que dans le cabaret, ben, ils sont morts. C'est plus la dernière fois qu'on les entendit sur scène, à ce que je sache. Ces temps de verre sont juste un peu, ouais, c'est ça. C'est au passé simple, c'est important. Uh-huh. Des petits chapeaux pour des affaires de manger, j'adore ça. Puis j'ai entendu dire que Fanny Bloom est en train de peut-être concocter, en tout cas, elle est en studio, ça fait pas longtemps, 25 août 2011, selon le cyberpresse, qu'elle était en studio, là, en train d'enregistrer un premier album solo, probablement pour des bourses. Non! Mm-hmm. Ben oui, mais... Il fallait appeler qu'à des bourses de CD. De chansons. Ça va fonctionner. Mais ça a l'air d'avoir moins de bureaucratie. On dirait que ça m'intrigue ce qu'elle peut rendre comme CD solo. Seul, oui. J'imagine que ça va crier encore comme elle fait. Non, mais, non. Hey, mais hey, on j'aime l'entend, tellement ça quand elle crie. Allez voir à Cyberpresse, c'est sérieux. Là. T'aurais-tu me l'envoyer, je l'aurais fait jouer? Y a-t-il quelque chose à jouer? Non, j'ai pas d'Internet. Moi, si je mettais Internet sur mon ordinateur, ça serait la fin du monde. Puis pendant les cours, là, je ferais juste ça. La productivité zéro. Hein. La pornographie sur Internet. Ben, j'imagine. Pendant les cours. Mais c'est ça, c'est vraiment très mature, très profond comme son. La seule chanson qu'on entend au travers là, est très vaporeuse. Puis c'est tous des mots qu'elle utilise elle-même. Mais elle a dit, et je cite, quote unquote, référence à la page 210 de. Je sais pas. Elle dit vraiment, là, c'est fini. Le temps des Lulu. Ah. En gros, elle dit, là, je suis rendue une vieille fille. Elle jouera plus à Marielle. Elle jouera plus à Marielle. Mais là, j'aime son côté enfantin, je l'aime, moi, là. Oui, on l'aime, mais il va encore être là dans le CD de la Pater Rose, j'espère. Voyons. Mais tout ça pour dire que, non, je n'ai pas d'extrait de son nouvel album. Boo. Mais je voulais qu'on écoute pour une dernière fois la chanson Pépé et non... Le groupe ou l'interprète Pépé. On cherchait tantôt parce qu'il y a un artiste Pépé. Pépé. Moi, je connais pas ça, Pépé. Mais Pépé, sa guitare. Ah, Pépé, sa guitare. Pépé, son orchestre. Pépé, il y a plein d'autres affaires là, sur les différents projets. Tantôt, Pépé a joué. Pépé, sa guitare. Juste avant notre émission. Toi, tu demandais de Pépé, mais là, quel Pépé on parle? La chanson Pépé. Le Pépé à Fanny Bloom. Des fois, c'est dans une pizzeria. Pépé, c'est une pepperoni fromage, c'est aussi. Oui, c'est ça. Je m'attends. Mais la chanson est vraiment au sujet de son grand-père. Peut-être feu grand-père. Est-il feu grand-père? Mais en tout cas, elle parle dedans l'impératif. L'imparfait, c'est pas mal dans le passé, ça. Alors, un grand-père pirate, marin, photographe. Ouais, pas pirate, pilote. J'ai été voir les paroles, ça m'intriguait. Il est pilote. Pilote, marin, photographe, wallon, plein d'affaires. Wallon? C'est quoi ça, un wallon? La Wallonie. Ouais. Il viendrait de la Belgique. Okay. Peut-être. D'accord. Oui. Oh, de la Belgique? Ça aurait du sens, hein? Ben, la Wallonie, c'est en Belgique, si je ne me trompe pas. Ben, wallon. Bah, hein? Là, hein, tu t'emportes, tu sais. Avec des jeux de mots de même, là. Justine, pas fière de toi. Ben, il faut bien que quelqu'un trivale. Lise. Non! Lise. Lise, comme la fille qui s'appelle Lise. J'ai oublié Lise dans ma valise. C'était vraiment temps qu'on ait écouté la pièce, hein. Voilà. Alors, on va tout de suite aller à l'écoute de la chanson et non l'interprète. La chanson Pépé, pleine d'amour de la Pater Rose. Quelle émission? À l'émission 89.1. C'est fou! Oh, ça, c'était agressant, par contre. À l'imiter à Fanny Bloom. C'est ça, c'est les palmarès, c'est fou. Ah, OK, je comprends. Ben, bonne écoute, hein, Justine. Ben, merci. chanson Pépé du groupe La Pâte Rose. Feu, joli feu, défunt la Pâte Rose. Ouais. Dans son lit, on a enlevé sa plug, on a déplugué du mur le 21 juin. L'image est belle. Mais au moins, on peut les retrouver ailleurs. Oui. Comme dans la Panthère Rose, si t'enlèves le N, t'es les retrouves là. Non, non. Mais plus, mettons les membres du groupe. Mettons qu'un H aussi. Excusez-moi. Oui, faudrait t'enlever les affaires. Écoutez-moi pas. Oui. Ouais. Hey, on voulait entendre une autre pièce de Panthère Rose. Mais oui, une fois, ce serait le fun. Laquelle? L'éponge? Oui, l'éponge. On veut écouter l'éponge parce que d'ailleurs, il faut que je fasse du ménage. Là. L'éponge qui me rappelle beaucoup, je trouve, le côté trip-hop de... Je sais que je tire ça très loin. Moi, ça là. Me faisait penser à Ariane Moffat un peu. Oui, Ariane Moffat mélangée avec du Portishead, mélangée avec genre un trip d'acide. Super le fun. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Non, pas tout à fait. Je suis anti-drogue à mort. Ah oui? À mort. Tant que ça? À mort. Wow, à mort? Mi à mort. Mi à mort. Feu. Bon, c'est vrai que t'es tiré sur longtemps. Une chance que j'ai mis une musique de fond, tu sais. On a une musique de fond? Ah, tes écouteurs, hein? Quand est-ce que tu penses... Pour ma fête, vous m'achetiez un doigt. Un adaptateur. Deux doigts. Un adaptateur. Ah, OK. Ben, en veux-tu un? J'en ai un ici. Ah! Le garage. Merci. OK, tiens. Voilà. Hey, c'est beau de la radio, hein? Bon, on va écouter l'éponge. Oui, l'éponge. Tout de suite. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. C'est... Les sponges et pochettes. Sponges et pochettes. François Mascotte. Parce que... Brought to you in part by Bounty. Oui. Non? C'est-tu François Mascotte qui fait ses pubs de marte de, ah, oui. De pas bonne? Oui. On a besoin d'argent. Oh, est-ce qu'on vient de dire que tu aurais besoin d'écouteurs pour faire l'émission? Parce que là, tu es en train de parler par-dessus tout au début de la pièce. Sérieux? Pas mal au complet, t'sais? Pas mal au complet. Mais c'est vrai que je t'ai pas fait signe, t'sais? Attention, je vais te refaire signe, OK? Le parle. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Arrête-y. Bla. Escalier dedans la pièce, il me transporte, il me déporte, il me transporte. Planté là, les yeux gros comme des deux pierres, je suis Aristophane, une crise. Et je plonge la tête, la première, je suis une éponge. Revenu à moi, les cadres sur le mur me donnent le vertige. Je La pièce L'éponge de la pâte à rose dans les palmarès, c'est fou. C'était dans les tartines de Justine. Oui, ben là, j'ai eu deux tartines. Vous êtes donc bien gentils. Ben, Caroline, hein, on mérite pas mieux. Non? Ben, c'est moi qui mérite pas mieux. C'est toi qui mérite pas mieux que nous? Ben, ça, laisse faire. Hey, t'as tes écouteurs? Oui, hey, puis je m'entends parler, puis c'est pas beau. Non, c'est pas le fun, hein? Non. Ben non, tu t'habitues. Au moins, t'entends la petite musique de fond super... Super forte. Trendy. Forte, mais pas spécial. Ah non, ça, c'est moi, ça. Ouais, c'est plus ça. Ah, le volume. Il y a des boutons là-dessus. Hey, sur ce behind the scenes des palmarès, c'est fou. On lève le rideau pour vous, auditeurs à la maison. Merci, Justine. Ben, ça m'a fait plaisir. Ouais. Est-ce que tu restes avec nous un petit peu juste pour le prochain? Ben prochain, oui, prochain, je reste un petit peu, certain. On va l'entendre, les positions numéro 17 tout de suite. Tout à l'heure, il y aura Astra avec Shoot the Water, nouvelle entrée sur leur album Feel It Break. Et Gatineau, de l'importance d'être constant. On commence avec ça. C'est constant, non? Très constant. C'est quelque chose qu'on pourrait dire de notre émission. Les gaffes, mettons, sont constantes. Les blagues plates sont constantes. Les discussions inconfortables sur des sujets qui touchent pas grand monde. Ouais, les malaises. Sont... Malaises, ouais. Très constants. C'est bien les malaises. Y a-t-il des variables? Des variables. Ben, je sais pas. Quand il y a des constantes, d'habitude, il y a des variables à quelque part. Ah, OK, je comprends ce que c'est. C'est comme voyelle, il y a une constante. Voyelle, constante. Non, je parle de maths, là. Ben, moi, je parle de français parce que je suis pas bon en maths. Gars, tu sais. Respecte-moi. Moi, je suis pas. Je vous laisse dans votre monde. De constante et de variable, je suis perdue. Ouais. Ben, moi, je sais que moi, je suis une variable. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas tout le temps là. Là à mes heures, là, ouais. Pas là à pas mes heures. À pas tes heures. C'est ça, je suis pas là à pas mes heures. Non, c'est ça. T'as pas l'air très très là à pas tes heures en ce moment. Mais t'es classe. C'est vrai que t'as un trench coat. Marie-Pierre avait raison. T'as de la classe. On dirait que tu pourrais ouvrir ton trench coat comme un pervers. C'est ce que j'ai fait à ma prof. Elle a pas aimé ça le matin. Est-ce que c'était Maria? Non, c'était Céline Van Damme. Céline Van Damme. J'espère qu'elle nous écoute pas en ce moment. C'est quoi son nom? Je vais le prononcer comme faux. C'est pas ma faute. Céline Van Damme. Que je suis seule d'être enceinte et que j'annonce à tout le monde. Hey, cool. Mais elle nous écoute pas. Son amant non plus. Fait que. OK. Oh, hey. Je pense que je vais passer sur play. Je vais me tracer une ligne pour laisser jusqu'au bout. Suis ce que je m'assigne sans m'écarter de la route. Je vais lâcher la viande pour me mettre aux légumes. Me mettre des pâches parce que c'est que je fume. Aujourd'hui je m'y mets pour de vrai. Aujourd'hui je suis prêt, je suis prêt pas à peu près. Aujourd'hui je m'y mets pour de vrai. Aujourd'hui je lâcherai pas, je suis presque prêt. L'important c'est le constat. Suis sa voix, suis une voix, sa voix, suis sa route. Jusqu'au bout, sans doute. L'important c'est le constat. J'ai commencé brousse, mais je l'ai pas fini. Commencé une diète que j'ai pas réussi. Arrêter de boire pour me ramasser fini. Mise à l'exercice pour me ramasser Vénétie. J'ai eu goût par le ménage, mais j'ai fait autre chose. Commencé le forain, mais je l'ai mis sous pause. J'ai une sorte d'idée, genre de projet grandiose. Mais j'ai dû oublier de quoi il s'agissait, je suppose. Sa voix, suis sa route jusqu'au bout, sans doute. Coupe les trois, j'ai plus trop de goût. Coupe les trois, de plus en plus je m'en fous. Je commence comme être un peu tanné. Je verrai ça ma dame me pogne ma nez. C'est ça ta l'air, mais là c'est moins ça. C'est ça au début là, c'est fou ça. Je finis rien, dès que je commence, je batte pas loin. Quand je mélange, j'avais trop ma motivation. Mais c'est rendu top, je voulais me prendre. Mais semble que pop, mais semble c'est rough. Mais semble c'est top, tout pas en pop. Jusqu'au bout, sans doute. L'important c'est le constat. Yeah. Suis sa voix, suis une voix, sa voix, suis sa route. Jusqu'au bout, sans doute. Up and down, monter, descend, bon goût. Ça me tente, manger, me prendre. Up and down, monter, descend, bon goût. Ça me tente, manger, me prendre. Up and down, monter, descend, bon goût. Ça me tente, manger, me prendre. Up and down, monter, descend, bon goût. Ça me tente, manger, me prendre. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Numéro 17. Nouvelle entrée. Station to the next. Better empty your mind, better empty. Jean-Loup et The Last Assassins avec The Wheel, nouvelle entrée en 16e place. C'est d'ailleurs la dernière nouvelle entrée de cette semaine. On va aller entendre la position numéro 16, Franco, qui, elle, n'est pas nouvelle dans quelques secondes. Hein? Non, c'est Charlie Foxtrot et Éternel Pessimiste en 16e position. Hey, c'est poche, un éternel pessimiste. Hein? Non, Justine? Oh, ça me fait penser à mon prof de bio-ingénierie là, qu'on nommera pas. C'est-tu... Non. Maria? Non. Non? Je t'assure. Non. Je nomme plus de nom, là. Parce qu'elle a un amant, on sait que c'est ça, un amant. non, c'est pas vrai, hein? C'est des mensonges. C'est des gros mensonges. Tu vas te faire poursuivre, ça? Oui, ben c'est ça. Est-ce que t'as l'argent pour? Non. Ben, c'est ça. Ouais. Tiens-toi. Oui. Charlie Foxtrot. Il est éternel optimiste. Pessimiste. Au palmarès, c'est cool. Je suis un éternel pessimiste. Et oui, c'est moi, je suis le rabat-joie. C'est moi le frein, la marche arrière. N'en ai pas pourquoi. Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi t'essayes pas? T'as pas commencé ta mort de déjà. Allez, on verra, bien c'est quoi le résultat. Ah, oublie ça, ça marchera pas. J'aimerais que ça construise un seul accord. Une seule réponse à tous vos efforts. Je reste binaire, je trouve une défaite. Ça va un miracle pour que je collabore. Enlève tes lunettes roses et mets mes lunettes noires. Dis-moi c'est qui a raison. Dis-moi c'est qui a tort. J'ai la prudence, tout le manque de confiance en toi qui te fait perdre le bon sens. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, faut prendre une chance, allez, pourquoi pas. Oublie ça, je le sens pas. On peut toujours essayer, mais je pense pas. C'était Éternel Pessimiste avec Charlie Foxtrot. Oui, c'est la fin de la première heure des Palmarès et Fous. On vient tantôt dans la deuxième. Il va y avoir entre autres Vulgaire Machin, Philippe B, Hockey Volcan, Monogrenade, Darlings of Chelsea, Beastie Boys et Camperdio. Et aussi, un instant classique. Oui. Ça, c'est les meilleurs moments d'assemblage requis. Justine n'est pas au courant de ça. Je suis jamais au courant de rien, monologue. On va te l'expliquer tantôt. Je suis au courant de rien. Ouais. T'as pas l'air à ça. Je vais me faire actionner si je suis au courant de quelque chose. Là. C'est ça. T'avances des choses que tu devrais pas avancer en ongles. Ah, ben, je vais les reculer en tabarouette, me dire. Plein de mensonges. Des angles morts et des affaires de monde. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 99.1. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 12 au 18 septembre 2011. Et elle, c'est Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Et lui, c'est Mathieu Plante. Dit d'une voix masculine un peu chaud. Et Justine Renaud. Oui, et lui, c'est Plante Mathieu. Plante Mathieu, hey, c'est la première fois qu'on me dit ça, hein? C'est la première fois? Ben non, c'était du sarcasme, mais passez proche de la comprendre. Au primaire? Ben ouais, au secondaire peut-être un peu. Ouais, c'est ça. C'est que je le dis une fois de temps en temps en nombre, mais personne ne le retient. J'ai un deuxième nom de famille. Tousignan. Fait qu'imaginez les blagues. Ouais, c'est bien. Tousignan. Tousski. Non, celle-là, tu vois, on l'avait jamais fait. Non, c'est un nouveau. J'aime ça. J'aime pas ça en fait, mais j'aime ça que ce soit nouveau. Ah, oh, ben c'est féminin un peu, hein. Ça te fait pas bien. C'est comme Maria. Ouais, Maria aussi, c'est pas mal féminin. Est-ce qu'on arrête de parler de tes collègues de travail? C'est pas mes collègues de travail, non? C'est des gens qui vont m'envoyer des lawsuits, puis plein d'affaires en anglais, dans CSI, puis Miami, des affaires que je comprends pas. Caroline, wow. Mais ça, c'est rendu des meurtres, là. Ouais. Je voudrais faire comme dans... Comment? Je suis comme inquiète de t'asseoir à côté de toi, tout d'un coup. Ne sois pas inquiète de t'asseoir à côté de moi. OK. Il va partir des rumeurs vicieuses à ton sujet bientôt. T'as-tu un amant? Non, c'est pas ça. J'essaie de faire un jeu de mots comme David Caruso dans CSI Miami. Tu sais, quand il met ses lunettes, il enlève ses lunettes, il part une phrase, puis il dit un jeu de mots mauvais, puis après ça, il remet ses lunettes. Il fait ça, lui? Ouais. Je sais pas, j'écoute pas ça. Mais là, Caroline, c'est des jokes sur CSI. J'écoute Fortier, post-mortem. Addict TV, là, genre, ou quelque chose, une télé mystère. Non, sur Feu Fortier. Là, tu payes sur le 900, là, puis Feu Fortier, Anne Fortier, hein, que finalement, c'est pas Anne Fortier. Je vous lâche des spoilers, là, ouais. Mais c'est pas Anne Fortier, finalement. C'est un peu long, ta discussion sur Fortier, par contre. Non, mais elle a les cheveux frisés. Elle ressemble un petit peu à Marie-Pierre, avec les cheveux frisés. Bon, ou sur quelqu'un les cheveux frisés, c'est comme Marie-Pierre, hein? C'est super. OK, Volca, tout de suite avec Facteur Temps. Ça crie dans cette chanson-là un petit peu. Fait que, mais pas comme dans La Panthère Rose. C'est un tout autre sorte de cri, tu vas voir. Ah, c'est pas... Ah, je vois genre... Numéro 15. C'était Camp Radio avec The Girl Who Stole My Motorbike, nouvelle entrée de la semaine dernière. Ça monte maintenant de 5 places en 15e position. C'est ça. Tu voulais pas dire le numéro 15 francophone, hein? Ben oui, c'est OK Volca avec Facteur Temps. Ça semblait aussi. Il me semblait que ça me disait quelque chose, ça. On va passer aux 14e place, mais avant ça, on doit dire au revoir à Justine qui nous quitte précipitamment. Est-ce que ça se dit, ça? Oui, sûrement. Oui, pour changer mon nom, changer de pays, puis me trouver okay. un avocat. Donc, on va résumer la chose. Depuis tantôt, Justine parle contre des gens en disant des choses fausses. Non, c'est pas contre. C'est des choses fausses, par exemple. Mais t'inventes des mensonges. Ben oui, mais c'est juste pour niaiser. Mais juste pour niaiser. Tu niaises pas avec ça des affaires extra-conjugales. Oui, mais c'est même pas vrai. C'est même pas des vrais noms. Bon. Mais encore pire. Parce que là, ça va leur donner une réputation. À ces personnes qui sont pas vraies là. Ah, c'est vrai, le nom de famille était faux. Hein? Ouais, non. Mais c'était le nom de famille de quelqu'un d'autre que tu connais, donc t'as comme mélangé les noms ensemble. Ouais. Fait que ça multiplie le nombre de causes que tu pourrais avoir mais devant la justice. Il faut t'arrêter d'en parler, parce que le plus t'en parles, le plus de monde qui vont entendre ça, le plus de chances que j'ai de plus jamais avoir de Oh là là. Plus tu dis que tu vas te faire poursuivre, plus il faut que j'explique pourquoi tu vas te faire poursuivre, parce que sinon personne va comprendre la blague, t'sais. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que je quitte, là, parce que sinon, j'espère que ces fenêtres-là sont par balles. Non? En tout cas, il y a des barreaux, on voit qu'il y a des barreaux dans les fenêtres. Ouais, c'est une bonne chose. Je sais pas pourquoi. Au moins, c'est un bat de baseball. Peut-être pour notre équipement qui vaut cher. Est-ce que j'ai dit ça à la radio? Ah ben là, ça, c'est pas moi. Trop tard, c'est ça, c'est ma faute. Trop tard. Ouais. Donc, merci Justine, à la semaine prochaine. Ça fait un plaisir de vous tartiner des belles beurrées au Nutella cette semaine. La semaine prochaine, ça va être de la marmelade, j'imagine. Ah, tu vas varier les condiments. Aux pommes. Aux pommes. Hey, oui, du beurre de pomme. On est en plein dans le temps, là, des pommes. Là. Du beurre de pomme. Du beurre de pomme. Ah oui? T'achètes pas ça au IGA, du beurre de pomme. Non? Ça mène vraiment nulle part, nos conversations, nous deux. Hein? Nous trois. Ben, c'était plus moi puis elle. Mais ouais. Ouais. Spectatrice, Marie-Pierre? Ben oui, je sais pas quoi dire. T'as rajouté les pommes au moins. Ouais, c'est ça que. Voilà. C'était le l'ingrédient gagnant. Ben c'est ça, la chose la plus importante. Donc sur ce, je vais vous quitter là, parce que. C'est pas bon pour le. Ouais, bonne ça. C'est toi, ma perverse. C'est moi qui ai le trench coat, c'est pas toi qui ai choisi des enfants demain. Wow! Wow, moi qui aimais les malaises, je suis comme servi aujourd'hui, hein? C'est. Oui, mais tu sais qu'à chaque fois que je suis là, t'es servi. Ben, c'est pour ça qu'on t'a dit de revenir. Voilà. Fait que je vais revenir avec plein de malaises puis plein de potins, pas vrai, là, pour me faire sacrer des endommages. Justine Potine! Oui. Oh, c'est. Oh, Justine non. Potine, c'est écœurant comme nom! Non, arrête, tu peux pas faire ça, là. Non? Des endroits de me donner des fonds. Ils inventent des noms à chaque semaine, ils inventent des histoires un peu rocambolesques, là. Avec des affaires vraiment comme incroyables qui se passeraient dans la vie. Comme avec des machines à bonbons et des coffee crisps qui tombent. Des gens qui feraient des choses avec des machines à bonbons, ouais. Ok, c'est des bon. Cossins, des affaires sexuelles, là, ça va être super bon. Ouais. Avec des machines avec. Ah, ouais. Oh non. Non. Ok, c'est bon. Je pense à ça puis je te concocte quelque chose. Parfait. Puis si c'est vulgaire, ben là, on se poursuivre pour la vulgarité. Bon, c'est correct, ça. Ouais. Merci, Justine. Bye. Bye. On s'en va au 14e place. Marie-Pierre, je vais revenir à toi qui es sain d'esprit. Hein? Ouais, je le sais plus, là. Non? Mais en 14e position francophone, c'est Mono Grenade et la chanson Immobile. Oui, et suivra du côté anglophone les Beastie Boys avec Say It. Au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. À côté de moi, je vais rester planté là. Yeah.

avec le Festival international de poésie. Ah, d'accord. J'aime ça, un livre de poésie, finalement. Ah, ben, je dis rien, moi. Non, mais non. J'ai donné mon indice, j'en donne plus d'autres. Il est très, très large, ton indice. Mais c'est pas grave, on va le prendre, tu sais. Ce lundi, qui s'en vient, le lundi, celui-là, ça va être en alternance avec toi, Sébastien Dulieu, de sa nouvelle, ben, en fait, le retour de sa chronique, va voir ailleurs, entre parenthèses, j'y suis. Il va nous parler, entre autres, de ce qui s'est passé côté culturel cet été. Donc, c'est dans le créneau culturel, Sébastien. Lundi. Ah, ben, j'aurais aimé ça, mon truc, là. Ben, Colin, c'est à toi de faire une chronique à chaque semaine, hein? Bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir son beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Exactement. Comme on a dit plus tôt dans l'émission, on utilise les mêmes expressions plusieurs fois. C'est un, ce qu'on appelle en radio un callback. Quand tu rappelles ce qui s'est passé plus tôt. Quand tu réexpliques trop, ça s'appelle une surexplication. On est rendu au position numéro. Merci des précisions. Ça fait bien plaisir. Position numéro 14, du côté anglophone, on va l'entendre. On les a déjà joués. 13. Du côté anglo, c'est Darlings of Chelsea avec You're Not a Rolling Stone. Ça monte de la 19e place. Et du côté francophone, c'est Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres qui monte de 3 positions. Tu vois, c'était dans les meilleurs moments d'assemblage requis, mais je l'ai enlevé finalement parce que c'était pas si drôle que ça. Mais François qui riait de Philippe B quand on l'a joué parce qu'il aime pas ça. Je trouve ça plate. Bon. Fait que la voici, je la dédie à François-Olivier Marchand. C'est fin. Hein? T'es gentil, Mathieu. Merci. Pareillement. Quand le vieux soleil a retrouvé ma tête, quand mille corneilles viendront troubler la fête, quand viendra le soir, sur la ville conquise, quand il fera noir jusqu'au fond des églises, je fermerai toutes les lumières de l'appartement une à une, lentement, comme une prière. Je garderai les yeux ouverts, je verrai plus clair en dedans, en dedans. Numéro 13. quand même gentil. Tu dessines juste des choses le fun sur le journal. T'aurais pu lui faire une petite moustache de devil, hein, des gros yeux bizarres. Ben oui, j'ai décidé de faire des petits dessins sur le dos du journal Voir. C'est la photo de Sébastien Diaz. J'ai décidé que je faisais des petits dessins. Sébastien Diaz, c'est... Montre-le donc, Voir. Montre-moi là. C'est l'animateur de l'émission de Voir, hein? C'est ça. Mais okay, exactement. Ouais. Je pensais qu'il faisait la couverture du Voir avec mais le non. gars qui allait me voir. Il est au quatrième de couverture. Bon, une chance, ça aurait été vraiment beaucoup trop convergent. Un petit peu. Un petit peu. Ça me rappelle quand on parle du Zone Campus sur la couverture du Zone Campus, ça arrive. C'est le fun. C'est la convergence de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre en passant? C'est le bloc des positions numéro 13. C'est ça, 13, oui. Darlings of Chelsea avec You're Not a Rolling Stone, ça monte de 6 places. Et Philippe B avec Petite Leçon des Ténèbres. Oui, Petite Leçon des Ténèbres. On est rendu aux positions numéro 12. Du côté anglo, ce sera National Parks Project avec Long Time Before This, qui est stable cette semaine. Et du côté francophone, qui est monté de 8 positions, c'est Les Vulgaires Machins. Et là, ça se confirme, c'est un album acoustique. Oui, acoustique. Mais cette pièce-là est inédite en plus. Jamais, une pièce inédite. Jamais mise sur CD avec un trou, un plastique avec un trou dedans. Non? Jamais mis là-dessus. Ouais. C'est sur ces choses qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui ont. Là. C'est à peu près ça. Donc la chanson, c'est Je chante pour les sourds. Ouais, on va écouter ça à l'instant. C'est le fun qu'on vient de remplir. L'émission n'a pas tant de contenu que ça. Les palmarès, c'est fou. C'est surtout de la musique. T'sais. On vient de meubler en parlant de tes dessins sur le journal. J'apprécie encore le moment. C'était beau. Vous écoutez les palmarès, c'est fou au 89 FM. L'énerve à pis, mais j'ai un peu trop martelé dans le vide. Malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. Si seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction, des vies toutes seules dans l'abîme. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon unique ennemi. C'est moi le cave, à pas prendre les gens pour des caves. À cerner les marques de la tristesse sur nos visages. Combien nous sommes complètement inondés d'amertume. Usés par la paresse et le peu de temps qu'il nous reste. Moi je n'ai que la colère et la promesse d'en pleurer. Je suis mon virus et mon de preuve de cette justice entravée. La nature se déchaîne et je reste immobile, submergé. J'aimerais pouvoir brandir la paix, mais la haine est mon régime. La lumière qui s'éteint devant l'amour qui nous fait signe. Moi je n'ai que la moquerie et la promesse d'en pleurer. Je suis ma propre satire et je chante pour les sourds. Vous êtes assez fou pour l'écouter. report from a flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at working with the recovery forces to see what can be done at this point. Numéro 12. Pas choisir la température de l'eau dans la douche du cap, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ben voyons, non. Ben, voyons. Mais ils ont fait un bon choix. Je dis pas le contraire. Et juste assez tiède, mettons. Juste correct, c'est ça? Et relativement chaud. Relativement chaud. Ouais. Ouais. Je suis pas d'accord avec le choix. Non. Faudrait que t'aies essayé. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, aller au cap, faire des sports, t'es dessus! Malade! Dehors, c'est pour les autres. Et l'activité physique, c'est pour... Ben les autres, mais là, ça ferait comme redondant de dire deux fois la même phrase. Peut-être que j'en trouve une autre. Moi. Je vais y penser. On vient d'entendre les positions numéro 12, stable en 12e anglophone. C'était National Parks Project avec Long Time Before This. Et du côté francophone, c'était les Vulgaires Machins avec Je chante pour les sourds. Ouais. Okay. Donc, dehors, c'est pour les autres. Aide-moi un peu. Là. L'activité physique, c'est pour les... Non, il n'y a rien qui me vient. Man. Non. Ceux qui ont envie d'en faire. Bon, hey, c'est accrocheur. J'aime ça. T'as l'esprit du marketing chez toi est fort. Ça, mais tu sais, c'est... L'association est là tout de suite. Voilà. Oui, vraiment, c'est le premier mot qui te vient en tête. Donc, on va aller au 11e place. Tiens, du côté anglophone, ce sera Jolly Holland and the Grand Chandelier. Ça descend d'une place avec All Those Girls. J'adore dire ça. And the Grand Chandelier. Grand Chandelier. Ouais. Ça fait cowboy. On dirait une annonce poche pour le Festival Western avec un gars qui a l'air d'être en train de... Son banc assis. Et en 11e position, c'est Brady Carty avec « Si jamais ». Toi, la pub, tu l'as adoré, ça que tu veux dire, parce que oui, tu veux pas parler contre. Exactement. C'est bon, parfait. Voilà. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Non, c'est de l'opinion, là. Ils ont sûrement engagé une firme de publicité pour faire ça. Bravo à eux d'avoir accepté l'argent et de l'avoir fait. C'est correct. Non, mais là... Ils font parler d'eux autres. Je dirais même Alléluia. Et si jamais je respire. jamais tu me croyais. S'il vous plaît, ne m'en veux pas, dis simplement alléluia. Et si jamais je respirais, et si jamais on s'effaçait, c'est ça la vie ici-bas. Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Mais comment dire alléluia? Numéro 11. Can't believe you're treating me like all those girls, all those sweet girls go home to cry and wonder why all those sweet girls. The rain is coming down and petals on the ground like falling snow. You turn to go and I walk away and I hear I can't believe you were treating me like all those men, all those fine men that took you in into their hearts with open arms. I looked up and wished that I could disappear into the sky, or else to dive into the core of this burning world. Résultat de ton dessin vraiment réussi, Marie-Pierre. Marie-Pierre qui dessine sur l'arrière du journal Voir où on voit Sébastien Diaz, animateur de l'émission Voir à Télé-Québec. Et vraiment, t'as réussi à le faire, à lui donner le look d'un personnage de dessin animé. Ou plus d'une bande dessinée. Le crédit est à Sébastien Diaz. J'ai juste pris un crayon feutre noir et j'ai tracé les contours. C'est très réussi. On dirait Les Invincibles que tu disais. C'est tout à fait vrai. Ouais. Les Invincibles. Ça je les ai gravés sur le cœur. Ben oui, j'ai pas encore vu cette série-là. Tout le monde m'en parle, hein. Toi surtout. Comme si je t'en parlais tous les jours. C'est toi la plus récente d'en avoir parlé. Ah. Bon, ouais. En tout cas, réussis ton dessin. On devrait prendre une photo de ça et mettre ça sur le Facebook des Palmarès, c'est fou. Hein? C'est une idée, hein? Non? Comme tu veux. D'accord. On vient d'entendre les positions numéro 11 du côté anglophone. C'était Jolie Holland and the Grand Chandelier, hein? Avec All Those Girls, ça descend de une place. Et du côté francophone, c'était Bradycardie et Si jamais. Et si jamais, on continue avec les positions numéro 10. Exactement. Du côté anglophone, tantôt, il y aura Library Voices avec If Raymond Carver Was Born in the 90s. Ça monte de 8 places, c'était nouveau la semaine passée. Et attention, en 10e position, qui a descendu. Oh, la semaine passée, c'était en première position et cette semaine, c'est en 10e position. Excellent point, mais par contre, c'est une grosse chute pour cette pièce-là, mais ils viennent de réintégrer le palmarès vers le bas avec la position numéro 20, une nouvelle entrée pour Mes lunettes noires qu'on a entendu en début d'émission. Donc, c'est normal que le numéro 1 était en haut, descendre, remplacé par un autre, mais les deux jouent en même temps parce que les gens aiment ça entendre des Breastfeeders. Ah, c'est la chanson, c'est La fille dans la vitrine. Eux, là, ils pourraient sortir un album avec juste des ongles sur un tableau, puis je pense que ça marcherait. Les gens aiment tellement ça, les Breastfeeders. Ils peuvent pas rater leur coup. Là, sûrement qu'ils rateraient leur coup. Avec des ongles sur un tableau... C'est pas un conseil d'amis qu'on fait. Il y en a qui aiment pas me mettre ça. Non. Yeah. shared this worry. A few bottles to forget that I spend my nights making love to someone I can never love, passing out in passionless embrace, rehearsing exit strategies for my escape. All my friends are buying diamonds, golden girls, and bringing me children into this world. Deciding their needs to a home on land they captured me. I'm still writing songs, I'm scheduled here someday. Larry Voices et Freeman Carver was born in the 90s. Ça monte de 8 places en 10e position anglophone. Et juste avant, c'était les Bruce Feeders avec la fille dans la vitrine. On termine la deuxième heure ici. On revient tantôt avec une troisième et dernière heure. On va savoir, en fait, on a déjà appris plus tôt dans l'émission parce qu'on vient d'entendre que les Bruce Feeders n'est plus numéro 1 francophone. Alors exactement. Que du côté anglophone, on se demande si Black Lips est resté. Bonne question. On se le demande. Point d'interrogation et différentes ponctuations qui. Est-ce que... Il y a un point d'interrogation avec un point d'exclamation dedans. Oui, mais... et avec des trois petits points à la fin. Oui, c'est ça, exactement. Hey! Vous êtes assez fous pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa! Makes me wanna smoke crack. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure des Panneurs assez fous pour la semaine du 12 au 18 septembre 2011 avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et Mathieu Plante. Oui! Quel duo! Hein? Mm-hmm. T'as l'air pas très très sûr. Non, je prends ma voix d'homme. Ah d'accord, t'as ça toi? Ben, on dirait quand je me force. Hein? Apparemment. Donc, dans cette dernière heure, on va devoir sauter par-dessus quelques trucs, hein, parce qu'on a beaucoup parlé, beaucoup jasé, eu beaucoup de plaisir. Ouais. Donc, on saute par-dessus les 9e et 8e. Je vais faire le côté anglophone. Non, je vais faire le côté anglophone. Pour vrai, prends ta place. Donc, du côté francophone, on va sauter par-dessus la 9e, qui est Peter avec Tergiverse. Et en 8e, les Jigs avec l'obsédé musical. Et du côté anglophone, la 9e position, c'était The Megaphonic Thrift avec Sister Joan. Et en 8e, c'est Tuckerville River avec Wake and Be Fine. T'as bien fait ça. Wow. On va entendre les 7e positions du côté anglo. Tantôt, il y aura Timber avec Lonesome Hunter. Ça monte de la 15e place. Et du côté francophone, Karine Ouellet avec la chanson Catastrophe. Karine, ben oui. Oui, qui Karine. A descendu de 3 positions. Triste, hein? Triste, mais c'est la vie. Je pense pas que ce soit unanime, mais il y a beaucoup de gens qui adorent Karim Ouellet, moi inclus. Je trouve ça vraiment bon, ce qu'il fait. Félicitations, Karim. Bon, c'est de même. Hein? Faut le dire quand on aime les affaires. Hein? Donc, Karim Ouellet et Catastrophe tout de suite. Je me trouve gossant moi-même. C'est comme... j'allais le dire. Ta gueule. C'est comme, vas-tu la fermer? Là? On dirait que non. Les yeux. At your door. head, and I've been staring through a hole in your head, and I'm moving like a zombie, baby. I am a zombie coming slow to your bed. Well, who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on the mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Oh, please break this spell you hand me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell. C'était Timber Timber avec Lonesome Hunter en 7e position. Et avant, du côté franco, on l'a entendu, c'était Karim Ouellet avec Catastrophe, Calling Me Ling. Hein. C'est droit, ça. Faut mettre la feuille droite de même pour lire. C'est ça. Alors, on va sauter par-dessus les prochaines positions. Les 6e, du côté anglophone, on aurait entendu Black Lips avec Modern Art, l'ancien numéro 1. Et du côté francophone, on aurait entendu Métagruo avec la chanson Jupiter. Et si on a de la place d'ici la fin de l'émission, on reviendra en arrière, mais ça arrive pas tout le temps. On va aller aux 5e place. Du côté anglophone, c'est Chad Van Galen avec Replace Me qui monte de la 11e. Et du côté franco, R1, aucune idée. OK. Avec la chanson Le Roi. R-E-W-O-N. Oui, en 5e position. Bon. 89 FM, c'est fou, c'est les palmarès, c'est fou. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à t'offrir à toi, Marie-Pierre Laforge-Gouret. C'est un cadeau. Ah, c'est donc fin. Merci. numéro 5. Chad Van Gerlin et Replace Me en position numéro 5, ça monte de 6 places. Hey! Et du côté francophone, c'était R.A.1 avec le roi. Quoi? Est-ce que tu voulais finalement... Oui, je voulais dire le numéro anglo. Tu m'as pointé, alors dis-le d'abord. Bon, le numéro 5 anglo, c'était Chad Van Gerlin avec Replace Me. Bon! Tiens-toi. Bon travail. Excuse-moi, Marie-Pierre, excuse-moi. Est-ce que tu veux entendre les positions numéro 4? Ben oui. Est-ce que tu veux présenter les deux pour compenser? Ouais. Bon. Ouais, c'est bien ça. Je parle en anglais pour annoncer ça. Oui, ben c'est ça, t'es bilingual. Ouais. En quatrième position, anglophone, qui a monté de 10 positions, c'est pas rien. Miracle Fortress avec Tracers. Et du côté francophone, c'est Malajub avec Sansu. T'aurais dû prononcer les deux en anglais tant qu'à faire. Meljub, Sansu. Sansu! J'adore ça. Vous êtes au palmarès, c'est fou. The Crazy Countdown au 89.fr. Quel accent. Mémorable. We'll be right back. Oui, tu peux y aller. Oui, c'est vrai, t'as pas lecteur. J'oubliais. Miracle Fortress avec Tracers en quatrième position anglophone. J'étais en train d'envoyer tes photos de ton œuvre d'art sur le journal Voir sur Facebook. Ça va être là très bientôt, tantôt, sur la page des Palmarès C'est Fou. Je vais vous partager ça. Tout le monde ensemble. On est tellement pertinents, là. Je te jure, ben, c'est des Palmarès C'est Fou. On s'excuse, auditeurs. Oui, ben, je crois que les gens sont habitués. Si c'est pas la première fois qu'ils écoutent, c'est la première fois qu'ils écoutent, ben, bienvenue dans l'impertinence, bienvenue dans le n'importe quoi des Palmarès C'est Fou. Bon, moi, il y a 40 bonnes pièces autour. Ben oui. Tu sais, quand même. On va être rendu aux positions numéro 3. Du côté anglo, ce sera Man Man avec Knuckle Down. Un autre des groupes qui a deux fois le même mot. On en parlait tantôt avec Justine. Eh oui, c'est ça, parce qu'on s'est rendu compte que dernièrement, dans les palmarès francophones, anglophones, il y a vraiment beaucoup de noms qui ont une répétition à l'intérieur de leur nom. On peut penser à... À Peter Peter. Peter Peter. Ou encore Man Man, Timber Timber. Ouais. Un petit peu différent, mais reste que ça sonne de la même manière. Qu'est-ce qu'on avait trouvé aussi? Radio Radio. Radio. Mm-hmm. Ouais. Le restaurant, ben, Pita Pita, quelque chose du genre. Pizza Pizza, il y en a un avec un restaurant avec deux fois le même mot. Là. Ah. En tout cas, il y a ça. Mais ça, c'est pas une chanson, on s'entend. Ouais. On commence à extrapoler vers tout ce qui a deux fois le même mot là, ça peut. Mais bon, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup que Mother Mother, oui. Man Man. Donc ben oui. Voilà, il y en a des tonnes de répétitions. C'est extrêmement original, je trouve. Premièrement, c'est vraiment la chose à remarquer, c'est que c'est du jamais vu. Ben maintenant, ça commence à être déjà vu parce que on en a quoi 6 dans notre. Est-ce qu'on peut passer à autre chose, non? Oui, allons-y. C'est un peu ce que. Non, mais pas la conversation. Ah, je parle des groupes. Ok. Non, je voulais pas te vexer. Non, je parle des groupes. C'est pas très original, c'est ce que ça veut dire. Changer mais de... Ça va, il y en a, ça fait joli. Timber, Timber, ça va, ça reste dans l'oreille. Ah, c'est toujours joli, mais c'est ça. Pas original. Position numéro 3 anglophone, on va l'entendre tout à l'heure, Man Man, on l'a déjà dit, Knuckle Down, et on commence avec le numéro 3 franco. Franco, Antoine Corriveau avec l'uniforme, qui reste en troisième position. Est-ce que t'as compris la blague qu'on vient de dire deux fois la même affaire? C'était ça, la blague. C'était Mathieu, t'as un humour subtil. Hein? Subtil, c'est ça. Pas du tout dans ta face, c'est gossant et comme, tu sais, fatigant. C'est ce que je pense de moi-même. C'est du sarcasme. Le taux de dérision, Mathieu, c'est assez. C'est ça. Bon, c'est dit. Comme une cheminée, allez, on va écouter la chanson. Porte. Elle parlait, elle s'écoute parler, puis c'est dans l'air de l'époque. Hier, on s'en souvient encore de ses belles larmes pleines d'espoir. Dans ses yeux un peu ravagés, maquillés plus que pas assez. On aurait dit une grande actrice sur son déclin. Nous repasse son vieux disque, la gloire, le fils et le destin. Il est parti comme un guerrier, la tête haute remplie d'espoir. Et maman a tellement pleuré, marcher droit c'était beau à voir. C'était par un joli dimanche, le printemps était en avance. Et les lilas déjà en fleurs pour savourer notre bonheur. Il avait mal pour l'occasion, enfilé son bel uniforme dans mes yeux. Mon petit garçon était enfin devenu un homme. J'entends encore sa voix tragique entre deux quins de tout bien grâce. Raconter son moment magique et embrailler la grande tasse. Le moment, l'émotion parfaite et les conversations surfaites. Il nous rapportera des médailles, les fruits de tuerie de bétail. Jamais trouvé. J'ai tous ces gens dans toutes ces voies qui ne l'ont jamais intéressé. Elle cherche un peu de réconfort pour se convaincre qu'elle a raison. D'accuser les autres des torts du nouvel homme de la maison. Une bille à la place du cerveau soit partie pour sauver nos peaux. Qu'il n'est pas l'unique carburant de cette bombe à retardement. Dans deux ans ou trois, le vénard pourrira au fond d'une tranchée. 17 balles logées dans le corps et dévorées par les cafards. On vous enverra des soldats messagers qui paieront notre dette. Devant la tombe où tu n'es pas, maman fumera sa cigarette. En permission, ils sont finis, ils brisent tout ce qu'on leur apporte. Parce qu'ils en ont vraiment envie pour obtenir la meilleure note. Tu crois qu'il aime ce qu'il devient parce qu'il reste droit dans les rangs. Tu crois vraiment qu'on en revient pour retrouver sa chambre d'enfant. Tu crois crois qu'il sera général, parce qu'il te cache ce qui fait mal, parce qu'ils en ont pour des années avant de pouvoir reparler. Rappelle-toi de la dernière fois où tu as entendu ta voix, où tu as eu peur pour quelqu'un, était-ce vraiment si opportun? Plus beau encore que les colombes, le tranquille sifflement des bombes restera juste dans ta tête, même quand tu voudras qu'il arrête. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Totally confused by you. Numéro 3. Avec Knuckle Down en deuxième position. On s'est pardon, en troisième position. Troisième position. Ouais. Avant ça, du côté franco, c'était Antoine Corriveau avec l'uniforme. C'est stable et c'est sa cinquième semaine sur l'album Saint-Maurice Barbic Logan. Il reste seulement les positions 2 et 1. Quand même, on pensait avoir de la misère à arriver dans le temps, mais non, tout va très bien. Ouais. tout va très, très, très bien. Notez en passant que pour les auditeurs du jeudi, tout à l'heure, il va y avoir la spirale pour rester à l'écoute avec Mathieu Leblanc-Houle à 18h. Entre les deux, ça va être la sécheuse. Et puis, pour les auditeurs du vendredi, les lutins de l'enfer s'en viennent pour meubler votre soirée de métal de différents matériaux, de différents métaux, qu'on pourrait dire. Du métal. Oui. Position numéro 2 anglophone, c'est Bon Iver avec Hollow Scene, ça monte de 3 places. Moi, j'espère qu'il va se rendre en position numéro 1 la semaine prochaine. Quand est-ce qu'on fait un pari? Quand est-ce qu'il va se pointer au numéro 1 la semaine prochaine? On est tous les deux d'accord, je pense. Oui, j'aimerais vraiment ça. On joue beaucoup ça, il me semble que tu sais, Bon Iver, ça joue beaucoup. Assemblage requis, on l'a pas encore fait jouer tant que ça. Faudrait remédier à la situation. Bon Iver, c'est mon homme. Peut-être qu'on va bien gros le jouer cet hiver, non? Peut-être. Hey, minute, là, c'est ton homme, toi, là. Tombe pas, là. Ouais. C'est une blague. Ben, j'espère. En deuxième position francophone, c'est Galaxy avec Requin Tigre qui est passé de la position numéro 5 à la position numéro 2. Ouais, moi, je dirais que Galaxy, en ce moment, est un des groupes les plus joués à ces fous. Chaque émission, on dirait, se fait jouer du Galaxy. C'est comme du bonbon. On suce ça jusqu'à la dernière. Ouais. Vous êtes au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Je regrette déjà. Je te comprends. Entendre Bon Hiver avec Hollow Scene qui monte de 3 places. Et en deuxième position francophone, c'était Galaxy avec Requin Tigre. Oui! On est à moins de 10 minutes de la fin de l'émission. Marie-Pierre nous quitte avant la fin. Oui, question d'autobus. Mais tu tenais à dire au revoir aux gens. Ben oui. Bonne semaine. Bonne semaine, les palmiers. Tu peux les appeler les palmiers, ils aiment bien ça. Les palmiers. Parce que les palmarès, c'est fou, les palmiers. C'est leur surnom aux auditeurs. C'est bien, hein? C'est bien, c'est bien. Je t'attends pour les numéros 1. Juste faire des petits jeux de mots, OK, rapide, là, parce que je sais que tu dois partir. Je sais que si tu pouvais partir avec un véhicule, tu partirais avec une boîte à savon. OK, et de 1. Oui. Tu pourrais me féliciter pour mon jeu de mots en me disant... Bravo, Funkin. C'est parfait. T'auras aucun quoi d'autre pour rater ton... tu rateras pas ton autobus, t'auras aucun quoi d'autre. Quoi d'autre? Problème, OK. Et tu vas arriver, puis si t'arrives, puis tu rates le bus, tu vas crier quoi? Maman! Et voilà! 4 jeux de mots, c'est fait. Merci, bye! Bonne semaine! On écoute les numéros 1, donc, du côté anglophone. C'est Mother Mother avec Problems. Et on débute avec Bravo Funkin, boîte à savon. Bye, Marie-Pierre! Moi, je vais revenir vous dire au revoir tantôt de façon plus détaillée sur l'horaire de C'est fou. Vous êtes au palmarès C'est fou, 89.7.

position numéro 1 des palmarès C'est fou pour cette semaine. Faisons un petit récapitulatif de chaque côté. En troisième position anglophone, c'était Man Man avec Knuckle Down. En deuxième, Bonnie Hill avec Hollow Scene. Et on vient d'entendre Mother Mother avec Problems en première. Ça monte de deux places. Du côté franco, en troisième, c'est Antoine Corriveau avec L'Uniforme. En deuxième, Galaxy avec Requin Tigre. Et on a entendu il y a quelques minutes à peine, en première position franco, Bravo Funken et Boîte à savon, ça monte d'une place. Voilà pour les palmarès C'est fou pour cette semaine. On va se quitter dans quelques secondes avec Métagruau. Du côté francophone, en sixième avec Jupiter, ça monte de quatre places. Le temps de vous dire, pour les auditeurs du jeudi, où nous sommes en direct entre 14h et 17h, je l'ai répété, le fait que c'est le jeudi. 14h à 17h, ce qui va nous suivre, c'est La Sécheuse et puis La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle à 18h. On est en rediffusion les vendredi soir de 17h à 20h. Et ce qui nous suit, c'est Les Lutins de l'Enfer. Ça va être très, très bon, ça. Un petit peu de métal pour terminer la journée. Moi, je vous retrouve lundi matin à Assemblage Requis en compagnie de François-Yves Marchand et moi-même. Hein. Lundi, on va avoir la nouvelle chronique de Sébastien Dulieu, d'une chronique culturelle nommée « Va voir ailleurs », entre parenthèses, j'y suis. J'y suis. Voilà. Passez une excellente soirée, fin de semaine, peu importe où vous nous écoutez. Et puis, Métagruau suivra. Puis après ça, une autre émission, telle que susmentionnée. Bye! Et merci à Marie-Pierre Lafourche-Bourret. Comment l'oublier? Ah, inoubliable. Et merci à Justine Renaud qui est tout aussi inoubliable. Hein? Dur de retenir tout ça. Hein? C'est bon ça. Ah oui. Bye.